Vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons finir l'émission, nous allons poursuivre l'émission d'aujourd'hui par un sujet lumineux. On vous l'a déjà dit, l'année 2005 est l'année internationale de la lumière et si l'UNESCO a choisi de mettre l'accent sur la lumière, ben c'est que la lumière et les technologies développées avec la lumière sont partout, même dans les profondeurs du temps, c'est-à-dire même en archéologie. C'est le cas de la thermoluminescence dont va nous parler Marie-Claude Dionne. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Alors, il arrive parfois sur un site archéologique qu'on réussit pas à le dater. Si on parvient pas à faire une datation de façon relative, soit le plus souvent possible par les textes, on va devoir se rabattre sur la datation absolue. Et ce type de datation-là englobe la radiochronologie ou aussi ce qu'on appelle la datation radiométrique. On utilisera alors la variation régulière au cours du temps de la proportion de radioisotopes qui se retrouvent dans certains corps. Et sur ce principe, je vais y revenir un peu plus tard. Lorsque les textes ne sont pas disponibles sur ou pour un site archéologique, c'est souvent parce qu'on va se retrouver dans un site préhistorique, un très vieux site, et dans ces cas-là, il va falloir utiliser la datation au radiocarbone ou la datation carbone 14. C'est une datation qui n'a plus besoin de faire ses preuves. En fait, on va pouvoir l'utiliser jusqu'à un certain point, à peu près jusqu'à 40 000 ans. Mais la préhistoire peut vraiment être reculée de plusieurs centaines de milliers d'années au-delà de ça. Donc là, cette méthode-là qui fonctionnait jusqu'à 40 000 ans, mais on va sauter pour utiliser d'autres choses, parce qu'elle va pouvoir nous fournir une idée si on l'utilise au-delà de 40 000 ans, mais ça va être beaucoup, ça va être presque pas fiable, en fait. En plus, le carbone 14, il fonctionne seulement sur les vestiges issus d'organismes vivants. C'est un fait. On ne le retrouve pas non plus partout. Et rappelons-le, la datation carbone 14 se rapporte au calcul du taux de l'isotope radioactif du carbone qu'on va retrouver dans tous les organismes vivants. Et quand les archéologues ne trouvent aucun vestige animal ou végétal, quelle est la méthode de datation à employer dans ces cas-là? Alors là, les archéologues qui vont réaliser ce type d'études qu'on appelle les études archéométriques vont procéder à des types d'analyses, entre autres comme l'uranium-thorium, la datation au potassium-argon aussi. Mais là, la thermoluminescence va quand même être beaucoup utilisé en archéologie. Et là, si on déconne un peu ce mot-là, on a le mot chaleur et mot lumière. Il s'agit d'un phénomène où un objet transforme son énergie calorifique en lumière. Commençons avec le principe de base. Il y a plusieurs minéraux tels le quartz, le feldspath et le zircon qui ont la propriété d'accumuler naturellement au cours du temps sous forme d'énergie au niveau atomique l'irradiation naturelle et cosmique qui sont propres à un lieu. Cette quantité d'énergie lumineuse est stockée dans la structure interne des cristaux, dans la partie qu'on appelle la maille. Et quand les minéraux sont soumis à une grande température, aux alentours de 250 à 500 degrés Celsius, ils restituent l'énergie accumulée sous forme de lumière, une lumière qu'on ne pourra pas voir d'ailleurs. Une fois refroidis, c'est à ce moment-là que les minéraux vont être dans la capacité d'emmagasiner à nouveau de l'énergie. D'accord, mais ces minéraux de quartz et de feldspath chauffés entre 250 et 500 degrés, on les trouve où dans les artefacts archéologiques? Oui, souvent, en général, dans les vestiges archéologiques qu'on va retrouver, on a en très grande quantité la céramique. Mais lorsque les questions d'origine et de chronologie ne se répondent plus par les analyses ou les études de typologie de décor, c'est là que la thermoluminescence va pouvoir prendre la relève. Mais on peut penser à tous les vestiges qui sont faits de terre aussi, comme des éléments architecturaux en terre cuite ou bien de la sculpture aussi. On peut penser au four, au bronze, les pierres brûlées autour d'un foyer, et même des outils aussi qui sont, entre autres, en silex, qui auraient été chauffés, soit intentionnellement ou même par accident. Et qui plus est, la thermoluminescence, elle peut être faite partout sur la planète. Donc, c'est une analyse qu'on peut entreprendre sur tous les sites archéologiques. Il faut juste trouver, en fait, les bons candidats. Et ces objets-là qui vont être composés de terre, là, il va y avoir un mélange de minéraux, de quartz, de feldspath à l'intérieur. C'est ces minéraux-là que je rappelle qui vont stocker l'énergie qui sont accumulés dans leurs cristaux. Puis à la base, quand je l'ai mentionné, faut que ça soit chauffé entre 250 et 500 degrés Celsius. Mais ça arrive que ça pourrait pas avoir atteint cette température-là endroit-là aussi, ce qui peut nous poser problème là, pour l'archéologue, parce que si le stock d'énergie n'a pas été écoulé avec le taux de chauffage qui avait été moindre de 250, ça va fausser nos données. Okay. Parce qu'on va avoir un restant de taux de radiation là, qui ne sera pas correct avec à partir de celui qui a été chauffé dans une température là, de 250 à 500 degrés Celsius. Mais faut aussi porter une attention particulière aux objets qui ont été retrouvés au grand jour, parce qu'ils vont peut-être avoir été en contact avec une radiation artificielle qui, encore là, va se rajouter à la dose naturelle qui aurait été accumulée. Donc, encore une fois, ça peut nous fausser les données de datation. Et pour les néophytes en matière d'énergie, en fait, peux-tu nous expliquer à quoi tu fais référence? Oui, en fait, c'est cette énergie-là aussi, tout juste avant, je dois le souligner, elle va s'accumuler selon des taux qui sont connus. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur le sujet et ont pu déceler les taux d'accumulation. Et l'énergie, elle est emmagasinée dans les minéraux. C'est une origine de solaire qu'elle a, donc c'est une accumulation de doses de radiation qui provient des ondes gamma, bêta et cosmique. Et ces doses-là vont être calculées séparément et mises en comparaison avec la dose annuelle qu'on aura mesurée avec les concentrations d'isotopes d'uranium et de thorium et aussi de potassium qu'on va trouver dans les sols environnants de l'objet qu'on a trouvé qui est à l'étude. Ayant cette donnée en main, on va pouvoir savoir le taux normal de radiation que devrait avoir l'échantillon s'il n'avait pas été chauffé. Puis c'est avec cette comparaison-là qu'on va savoir le taux, le moment de la cuisson là, selon les différents taux. Okay. À l'intérieur des minéraux. La façon de procéder est de sélectionner un échantillonnage d'objets ou de matériaux qu'on veut étudier. Dans le cas d'Aionim, c'est un site préhistorique situé au nord-ouest d'Israël. On a tenté de mieux cerner l'évolution dans l'occupation à l'intérieur de la grotte. Les archéologues ont pris une centaine d'outils en silex qui avaient été préalablement étudiés aussi pour quand même ne pas perdre d'informations. On a étudié la typologie et leur fabrication, le façonnement. Et on a débité environ 2 mm de leur surface pour ensuite les broyer et enfin les mener au test de datation. Et pourquoi est-ce qu'il fallait enlever une partie de silex? En fait, c'est pour se débarrasser de toute contamination potentielle. C'est assez prudent là, de la part des archéologues. Okay. Et au final, les tests ont révélé quelque chose de surprenant. En fait, c'est ce qu'on savait déjà, mais ça l'a en fait confirmé. La grotte a été habitée de façon discontinue entre 2500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 000 ans avant Jésus-Christ. Une petite précision aussi à faire, c'est que la datation avec la thermoluminescence, elle n'est pas à l'année près, non plus au siècle près. Là, on n'est pas encore rendu là. On parle de millénaire peut-être? Exactement. Okay. Et là, si on veut procéder de façon plus technique à comprendre cette analyse-là, je peux tenter de faire un court survol. C'est que lors de cette analyse, l'échantillon est réchauffé par un processus de chauffage contrôlé. Et donc, l'énergie, elle est libérée sous forme de lumière, ce qu'on va appeler la thermoluminescence, lorsque les électrons vont s'échapper. La quantité de lumière produite est mesurée par un photomultiplicateur. C'est un dispositif qui détecte toutes les photons qui sortent de l'échantillon. Et le résultat est représenté par une courbe montrant la lueur d'émission des photons en fonction de la température de chauffage. Et couplée avec les données calculées préalablement de radiation naturelle, mais c'est la thermoluminescence libérée va pouvoir être traduite en un montant spécifique de temps depuis la formation de la structure cristalline ou bien lorsqu'on parle là, d'un objet archéologique, c'est depuis le moment de sa cuisson. Et dans un tout autre ordre d'idées et en guise de conclusion, une des utilisations de la thermoluminescence est bien entendu de déterminer l'ancienneté de certains échantillons archéologiques. Et depuis plusieurs années, il y a certains faussaires là, qui se promènent et qui essaient de tromper les tests en utilisant différentes techniques telles que l'irradiation artificielle sur des poteries qui sont récentes pour en fait les vieillir. Ou même aussi, on peut voir la réutilisation de vieux tessons sur des montages d'une poterie plus récente afin de fausser encore là les données. Okay. Il ne faut pas toutefois trop s'en faire parce que certaines techniques qui vont pouvoir contrebalancer ça. La recherche des traces d'enfouissement faites par binoculaire peut permettre de voir si l'objet a été vraiment enfoui et donc vieilli naturellement. Et l'analyse stylistique ne nous trompe pas non plus. Là, si on voit des décors un peu trop récents, on va savoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, encore une fois, la science, elle est toujours à notre rescousse. Oui, et aussi avec la thermoluminescence. On est loin de l'archétype d'Indiana Jones. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Alors, on va passer en pause musicale et on vous revient après avec Moussa Fallor.